Frédéric montait en coupé pour s'y rendre quand arriva un billet de la maréchale. À la lueur des lanternes, il lut. « Cher, j'ai suivi vos conseils. Je viens d'expulser mon osage. À partir de demain soir, liberté. Dites que je ne suis pas brave. » Rien de plus. Mais c'était le convié à la place vacante. Il poussa une exclamation, serra le billet dans sa poche et partit. Deux municipaux à cheval stationnés dans la rue. Une file de lampions brûlait sur les deux portes cochères, et des domestiques dans la cour criaient pour faire avancer les voitures jusqu'au bas du perron, sous la marquise. Puis, tout à coup, le bruit cessait dans le vestibule. De grands arbres emplissaient la cage de l'escalier. Les globes de porcelaine versaient une lumière qui ondulait comme des moires de satin blanc sur les murailles. Frédéric monta les marches allègrement. Un huissier lança son nom. M. d'Ambreuse lui tendit la main. Presque aussitôt, Mme d'Ambreuse parut. Elle avait une robe mauve, garnie de dentelles, les boucles de sa coiffure plus abondantes qu'à l'ordinaire, et pas un seul bijou. Elle se plaignit de ses rares visites, trouva moyen de dire quelque chose. Les invités arrivaient. À manière de salut, ils jetaient leur torse de côté, ou se courbaient en deux, ou baissaient la figure seulement. Puis, un couple conjugal, une famille passait, et tout se dispersait dans le salon déjà plein. Sous le lustre, au milieu, un pouf énorme supportait une jardinière dont les fleurs, s'inclinant comme des panaches, surplombaient la tête des femmes assises en rond tout autour, tandis que d'autres occupaient les bergères formant deux lignes droites, interrompues symétriquement par les grands rideaux des fenêtres en velours nacara et les hautes baies des portes à linteaux dorés. La foule des hommes, qui se tenaient debout sur le parquet, avec leurs chapeaux à la main, faisait de loin une seule masse noire, où les rubans des boutonnières mettaient des points rouges çà et là, et que rendait plus sombre la monotone blancheur des cravates. Sauf de petits jeunes gens à barbe naissante, tous paraissaient s'ennuyer. Quelques dandys, d'un air maussade, se balançaient sur leurs talons. Les têtes grises, les perruques étaient nombreuses. De place en place, un crâne chauve luisait, et les visages, ou empourprés, ou très blêmes, laissaient voir dans leurs flétrissures la trace d'immenses fatigues. Les gens qu'il y avait là, appartenant à la politique ou aux affaires. M. d'Ambreuse avait aussi invité plusieurs savants, des magistrats, deux ou trois médecins illustres, et il repoussait, avec d'humbles attitudes, les éloges qu'on lui faisait sur sa soirée et les allusions à sa richesse.